Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Yacine Bentayeb. Salut Yacine, comment tu vas ? Salut, ça va bien et toi ? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, un grand plaisir. Et j'écoute beaucoup ce que tu fais et ce que j'aime bien dans les galères d'une humoriste. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, galère d'humoriste. C'est ça. Et ce que j'aime bien, c'est que tu vois, il y a un côté, quand je m'examine, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. C'est rassurant de voir qu'on est très, très, très, très, très nombreux à avoir des galères, donc ça c'est cool. Absolument, oui. Ben, ça fait partie des buts un peu du podcast. Le but premier, c'est de rigoler et de partager les histoires qu'on se raconte un peu dans les loges. Et le but un petit peu caché, tu vois, c'est de nous rassurer. Tu vois, c'est un bonus, en fait. Ça nous rassure sur le fait que tout le monde a des galères, débutants, semi-pro, confirmés, guests, superstar de l'humour. Tout le monde a des galères et voilà. En tout cas, le plaisir est partagé. C'est vraiment un plaisir de t'avoir dans le podcast. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ben, j'ai pas voulu faire la liste de tous les bits parce qu'on en aurait eu pour plusieurs heures. Donc, je me suis dit, sélectionne, tu vois. D'accord. Mesdames et messieurs, les 15 prochains épisodes seront dédiés à Yacine Bentayeb. Je savais que j'aurais pas dû dire ça. Donc, ouais, j'ai pensé à une soirée en particulier, si tu veux. C'était une soirée caritative, donc pour une association, tu vois, qui fait des œuvres en Afrique. Enfin, le contexte hyper, hyper positif. Donc, un plateau de 5-6 personnes. En plus, tu vois, un contexte très positif, c'est-à-dire que tu as un beau théâtre, tu as une jauge pleine, je crois que tu devais avoir 200-250 personnes, un truc comme ça. Et bon, je fais comme ce que chacun d'entre nous fait, c'est-à-dire que je regarde un peu derrière le rideau, tu vois, pour un peu observer le public, tu vois. Donc, premier constat, je me dis, tiens, il y a beaucoup d'enfants, tu vois. Mais quand je te dis beaucoup d'enfants, c'est... une jauge, on va dire, allez, à 70, voire peut-être même 80% d'enfants. Et quand tu fais un peu de second degré et qu'à aucun moment de ton spectacle, tu te déguises en fleur, tu te dis... Le moment de la fleur, tu l'as enlevé de ton spectacle, ça y est. Ouais, je l'ai enlevé. C'était pas assez sécurisé, si tu veux. Et puis, j'avais pas le matos, j'avais pas le truc qui lançait de l'eau, etc. Mais non, je déconne, mais tu vois, là, je me suis dit, waouh, ouais, ça va être... je sais pas comment je vais faire. Et puis, je vois les potes qui commencent à démarrer leur passage. Je sens que c'est rude. Tu vois, je sens que c'est rude parce que, tu vois, c'est des textes pour la plupart, avec des chutes, un peu de finesse, etc. C'est des enfants. L'idée, c'est pas de dire qu'ils sont pas très chute-chute, mais c'est juste de dire que c'est pas forcément accessible pour des gamins. On a le même problème, en fait. Hein. Moi, le premier, moi, mon spectacle, si tu veux, il est tout public. Mais évidemment, si j'ai que des enfants, on va dire, de, je sais pas, de 8 ans, 9 ans, il y a les trois quarts du spectacle, ils vont rien comprendre, tu vois. Ils vont écouter normal. Et tu sais quoi, je sais pas si ça te le fait, toi. Bah, tout à l'heure, on parlait du fait d'être né, voilà, on va dire, dans les années 80 avec la télé qu'on avait et tout. Mais est-ce que ça te le fait, toi? C'est-à-dire que quand je mate des films aujourd'hui que j'avais maté quand j'étais gamin, mais je récupère je sais pas combien d'infos que j'avais pas à l'époque. Je regarde, je dis, ah, mais j'ai compris pourquoi il a dit ça à lui. Ah, mais ok. Ah, mais en fait, c'était marrant. Et moi, quand j'étais gamin, je regardais ça d'une traite normale. Je ne comprenais pas. Et donc, c'est la même chose avec les spectacles, je pense. C'est-à-dire, le spectacle de Yacine Bentayeb, tu vas le mater, tu as 8 ans, tu vas rigoler à 2-3 trucs, tu vois, tu vas te demander où est la fleur. Et après, tu le mates à 18 ans, et là, tu dis, ah ouais, mais d'accord, j'ai compris. Mais c'est ça qu'il voulait dire. Mais tu vois, c'est comme les Simpsons, tu peux le regarder en étant adulte. Étant une toute autre lecture qu'un gamin qui regarderait les Simpsons aussi de la même manière, tu vois. Et j'arrive sur scène, du coup, bon, bah, ce qui devait arriver, arriva. Hein. On est sur un bide catégorie nucléaire. vraiment, c'est ceinture noire, 7e dan. Alors, tu vois, je devais faire un passage de peut-être 10-12 minutes. Dès que je démarre, mais rien ne passe. Tu sais, on a tous des bouées de sauvetage en termes de vannes qui sont des espèces de roues de secours en cas de difficulté, etc., mais aucune aide du destin sur ce sujet. C'est-à-dire que la roue de secours, quand tu l'as sortie, elle était crevée aussi. Ah, rien, crevée, mais catégorie crevée de chez crevée. Vraiment, bande d'arrêt d'urgence, tout ce que tu veux. Et j'arrive, mais ouais, c'est un désert total. Je vais faire 10-12 minutes. Après, je me rends compte qu'au bout de 6-7 minutes, que c'est pas possible. Et puis, tu sais, des enfants, quand on a un tout seul, bon, à la rigueur, c'est mignon, mais quand ils sont peut-être 150-180, ça peut être hostile. Hein. Et... Moi, ça me rappelle les Gremlins, tu sais. Est-ce que vous leur aviez donné à manger après minuit ou pas? Mais j'ai pas pensé à ça, tu vois. Autant j'ai des réflexes, mais là, j'ai pas pensé à ça. Parce que l'avantage de leur avoir donné à manger après minuit, ça aurait été qu'ils étaient dans leur cocon, tu vois, avant de se transformer. T'en aurais profité, tu vois. Il aurait fallu que tu joues dans le timing entre Mogwai et Gremlins, tu vois. C'est là que je me rends compte que t'en as maté beaucoup des films dans les années 80, Sofiane. Je crois que t'en as maté énormément. Mais tu sais quoi, il y a un truc qui se faisait, je suis désolé, je vais balancer un secret, mais il y a un truc qui se faisait de dingue, je ne cautionne pas, mais vraiment, ça se fait peut-être même encore aujourd'hui. Est-ce que tu as vécu ça, toi? C'est dans les mariages, justement, comme ils savent que les gosses, c'est voilà, intenable, quoi, ils mettaient du sirop pour la toux aux gosses. T'as vécu dans un contexte de guerre ou Non, même pas, je te jure. S'il y a des auditeurs qui se reconnaissent dans ce que je dis, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux. Je te jure qu'il y avait des trucs. En fait, ils mettaient ça avec le coca. Tu sais, ils mettaient genre un verre de coca, parce que bien sûr, le coca, l'enfant ne peut pas résister. Tu vois, voilà, ça l'attire inexorablement. Donc, ils mettaient un verre de coca et ils mettaient une petite cuillère. Je te dis pas qu'ils mettent une demi-bouteille par enfant. Mais ils mettaient genre une cuillère à soupe dans le coca. Et comme tu sais, ça développe la somnolence et tout, et ben les gamins, ils mangeaient le repas et puis ils buvaient ça. Et allez, une demi-heure après, une heure après, les gamins, ils étaient tous sur les banquettes et tout, en train de dormir, quoi. C'est le premier podcast qui va se finir en main courante, quoi. Tu vois, je tiens à préciser, mesdames et messieurs, je n'étais pas celui qui mettait le sirop, j'étais celui sur la banquette, moi, d'accord? Je faisais partie des victimes. Je témoignerai s'il le faut, Sophia. Non, mais c'est vrai. Du coup, il n'y avait pas de sirop pour la toux ce soir, quoi. Ah ouais, non, non, non, je te jure, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et tout y est, donc tu as une salle pleine, etc. Et tu vois, et puis plus tu essayes, plus tu vois que ça ne prend pas. Et après, il faut se rendre à l'évidence, il faut essayer de partir avec le peu de dignité qui te reste. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais voilà, ça reste un bon souvenir parce que c'était. Parce qu'une fois de plus, c'est une nouvelle expérience. Et comme toutes les nouvelles expériences, on s'en servira toujours un jour ou un autre. Et puis voilà, tu vois, après. Mais ouais, rude, rude. En repartant, je me suis C'est dit, j'étais venu prendre un peu de plaisir. Difficile. ouais. Non, non, ben non, là, tu l'as pas eu malheureusement. Mais quelque part, ça reste une petite blessure de guerre, tu vois. Et je suis sûr que les gens avec qui t'as bidé, bah, quand vous voyez, vous avez un petit sourire, tu vois, un petit coup de ouais, on a servi dans le même régiment, tu vois. Exactement, c'est vrai, tu as totalement raison, j'aime bien ton expression, c'est blessure de guerre, on t'a vu dans les regards, tu vois, chacun son tour, on partait se prendre la balle, tu vois, c'était assez drôle, franchement. Mais c'est toujours marrant quand tu sais, tu sais, quand toi, tu passes pas premier et que tu vois tes collègues tomber au front l'un après l'autre, et tu regardes et tu dis, bah, ça va être mon tour en fait. Et quand il Ouais. va, ils te regardent en mode, nous on a fini, vas-y, c'est ton tour maintenant. Et dans vos échanges de regards, il y a un truc de, j'espère que l'électricité va s'arrêter maintenant, tu vois, genre que Mais la c'est soirée va. ça. Et malheureusement, non. Donc tu entends, Yacine, Ben Taïeb, et là tu es obligé d'y aller, tu vois. Et puis dans le regard de ton pote, tu vois, allez, vas-y, fais ça pour la France. Tu vois, tu sens un peu comme tu dis, le côté soldat, quoi. Ouais, non, Ah, c'était. mais du coup, la France te remercie parce que vraiment, tu as été fort. Et comment tu dis que tu as tenu? Parce que du coup, tu as fait combien au total sur scène? Je crois que j'ai fait. Je devais faire 10-12. Je crois que j'ai dû faire allez, 7 max, un truc comme ça. Peut-être 8 grand max. Mais c'était. Mais je me suis dit, il y a peut-être sur les 30% d'adultes, on va essayer. Mais bon, c'était un pari perdant dans tous les cas. Parce que même les adultes, il y avait une forme de solidarité, tu vois. Même les adultes avaient eu droit au sirop pour la toux, Ah quoi. oui. On était sur un rejet. Un rejet de ma proposition artistique. C'est même pas un rejet de ta proposition artistique, c'est un rejet de toute proposition artistique. C'est À possible. ce moment-là, tu sais quoi, tu leur mettais Gad Elmaleh, ils bidaient pareil. Hein. Et si, ouais, même si je dis oui, c'est hyper. J'ai envie de croire à ce que tu me racontes. J'ai tellement envie d'y croire. Mais moi, je te le dis, moi, je te le dis, c'était pas contre toi. Si tu m'avais dit que tout le monde avait cartonné et que toi, t'avais bidé, je t'aurais dit, bon, bah écoute, on va pas se mentir, Yacine, hein, Revois il y a tes un petit textes. problème, en effet, au niveau de ta personne. En effet, il y a peut-être, t'as peut-être mal vendu ton texte ou ton texte était pourri. Mais là, en l'occurrence, tout le monde a bidé, donc n'importe qui. Bon, évidemment, on va pas se mentir, si tu mets Gad Elmaleh, si tu veux, il va pas, mais il aura pas une ambiance de zénith, quoi. C'est-à-dire que il aura 20% de réaction en plus par rapport à vous, parce que du coup, ça va attirer l'œil, tu vois, les gens vont se dire, ah, mais Ouais, c'est c'est ça. Gad, c'est tout. Ouais, Mais ouais. là, vous, ça aurait pu être n'importe qui, les gens s'en fichaient complètement, ils n'étaient pas là pour ça, je pense qu'ils étaient là juste pour manger et soutenir le mouvement, quoi. Je suis d'accord avec toi que y a d'autres situations où quand tu ressors d'un bide, tu te dis, mais ça te fait très mal. Là, ce soir-là, ça m'a pas heurté plus que ça, parce que je me suis dit, mais tu pouvais faire ce que tu voulais, à moi, comme je te disais tout à l'heure, à moi d'être déguisé en fleur, c'était compliqué, quoi. Bon, du coup, maintenant, tu as toujours ton costume de fleur avec toi au cas Toujours. où? Au cas où, bah évidemment, c'est dans les coulisses, tu vois, si jamais il faut déclencher à tout moment. Ah, c'est là, tellement c'est marrant, vie, quoi. Parce que je sais que toi, t'es en costard quand tu montes sur scène, donc c'est tellement drôle de t'imaginer avec un petit costume de fleurs, tu sais. Oh là. Est-ce que tu peux imaginer pas trop longtemps, s'il te plaît? Bah, disons que si j'imagine longtemps, c'est que le problème, c'est que t'en auras besoin souvent, et je pense que non, je pense que c'est pas le cas. Normalement, c'est vrai que j'ai rarement vu une queue d'enfant de 8 ans, venir voir mon spectacle, donc normalement non, mais c'est un d'habitude, ça se passe bien. Bah, c'est justement ce qui t'a donné confiance, c'est que ça se passait bien. Si ça se passait mal à chaque fois, tu m'aurais dit, frère, tu sais quoi, je me prends même pas la tête, vas-y, passe-moi la fleur, tu vois, c'est bon, j'y vais direct. Là, non, en l'occurrence, tu t'es dit, ce que je fais d'habitude, ça passe, j'y vais, je balance, et tu l'as fait, et puis voilà. Mais c'est comme tu le disais, c'est normal que ce bide-là, t'es pas fait mal réellement, parce que c'est même pas un bide, c'est une attention zéro, quoi. C'est un manque d'attention du public, on va dire. Tu sais, je me suis senti hors sujet, quoi. Tu vois, comme quand tu rends une copie au lycée, c'est vous êtes hors sujet. Donc tu dis, bon, ben voilà, je vais creuser mon sillon tout seul, tu vois. Je viens de me rappeler mes cours de philo. Oh là là, je me tapais des cartons, laisse tomber, quoi. Je me tapais des cartons de ouf. Je me tapais des 3, des 4 et tout. Tu sais, moi, je tchatchais, je balançais du texte et tout. Mais c'est pas ce qu'ils voulaient, en fait. Tu sais quoi, je l'ai appris des années plus tard. J'ai appris ça avec, tu sais, bah, quand je suis devenu chauffeur de bus, en fait, je transportais genre des lycéens et tout, tu sais, puis on discutait avec certains. Et il y en a un, c'est mon pote Tommy, j'en profite pour le saluer, maintenant il bosse à Limoges. Et lui, il m'avait dit, bah écoute, j'ai été en philo et tout, et puis j'ai balancé ça. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait balancer des citations. Des citations, ouais, bien sûr. Il fallait balancer des citations. Et c'est ce qu'il voulait. Et moi, je pensais qu'il voulait qu'on tchatche. C'est-à-dire que si on te demande, je ne sais pas moi, l'homme est-il réellement libre? Tu sais, moi, dans ma tête, c'était oui, ouais, je trouve que ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je donnais mon avis. C'est-à-dire que ce n'était pas Descartes qui parlait, c'était Sofiane. Tu vois, et eux, ils ne voulaient pas ça. Eux, ils voulaient que tu dises selon Descartes, selon Socrate, machin. Moi, je faisais selon Sofiane, tu vois, et ça ne marche pas. Et donc, bah, je me tapais des cartons. Et bien évidemment, je me suis tapé un carton au bac aussi. Donc, t'imagines, si j'avais compris ça, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais le bac. T'as un incompris, Sofiane. Je me tue à le dire. Ah oui, voilà, c'est ça. Je suis un génie incompris. D'ailleurs, il y a très, très peu de livres qui parlent de mes idées. Et c'est vraiment dommage, je trouve. Parce que j'ai quelques idées par rapport à la gestion de la crise du coronavirus. Et... Ah non, oh non, viens, on ne démarre pas là-dessus. Il faudra des contre, des pour, des tout ce que tu veux. Oh là là, on va parler 5G et tout, t'imagines ? Non, non, non, t'inquiète pas. Moi, franchement, la seule chose pour laquelle je suis pour dans la crise du coronavirus, c'est que maintenant, enfin, on a pu remonter sur scène. Parce que là, on est à quelques jours de la reprise. Et au moment où le podcast sortira, on sera sur scène. J'espère, Inch'Allah, qu'on ne sera pas reconfiné. Parce que punaise, on commence à en avoir marre. Là, c'est pas possible. Donc, mesdames et messieurs, si jamais on est confiné au moment où l'épisode sort, toutes mes excuses pour ce mauvais pronostic. Et si jamais on n'est pas confiné, eh ben venez nous voir en spectacle parce que on n'attend que vous. Eh ben c'est super bien dit, j'ai pas mieux à dire. Je te suis à 100%, Sofiane. Mais franchement, ton spectacle et tout, en plus il va reprendre tout ça. Bah là, du coup, il sera déjà prêt. Donc vraiment, venez nous voir. Et tu sais quoi, juste pour le délire, si jamais vous allez voir Yacine, faites-lui un petit clin d'œil, genre vous venez habillé en fleurs ou un truc comme ça. Tu vois, j'ai hésité avant d'accepter l'invitation. Là, je me dis pourquoi. Tu vois, c'est... Eh ben écoute, je suis vraiment désolé. Hein. En tout cas, on embrasse tous les humoristes qui ont bidé ce soir-là et tous ceux qui vont continuer à bider. Et Dieu sait qu'on est dedans aussi, hein, malheureusement. Le bide, c'est un passage obligatoire. T'as pas le choix, t'es obligé, que ce soit devant des enfants qui ne t'écoutent pas ou devant des gens qui te portent toute leur attention. Parce que je pense que c'est là que le bide fait vraiment mal, tu vois. C'est quand t'as toute la salle qui t'écoute, il n'y a pas de perturbation. Tu balances ton truc, ça ne prend pas du tout. Tu vois le collègue d'avant, il a retourné la salle. Le collègue d'après, il retourne la salle. Et toi, au milieu, tu es la musique d'attente. Tu vois, tu es un peu. Voilà, c'est ça. Ils ont l'impression d'avoir appelé Pôle emploi. Tu es un peu la musique de Vivaldi. Tu vois, tu es les 4 saisons, en fait. La musique d'ascenseur. Ouais, mais je vois. Tu te sens facultatif dans ces moments-là, je te jure. Ah, mais tu es facultatif. Et c'est ça. C'est que tu te dis, mais tu sais, je peux même pas mettre ça sur le dos du public. Le public, il a rigolé avant, il a rigolé après, mais il rigole pas pour moi. Donc là, en effet. Il y a une remise en question et une acceptation, une souffrance, tu vois. Dans ces moments-là, c'est sûr que ton ego il saigne du nez, hein, c'est compliqué. Mais c'est un passage obligatoire parce que du coup, tu vas te remettre en question, tu vas dire « Attends, il faut que je rebosse ça ». Si tu te filmes ou si tu enregistres le son de ton passage, tu vas pouvoir retravailler dessus avec une boîte de Kleenex à côté pour pouvoir essuyer les larmes parce que vraiment, on va pas se mentir, hein, ça fait mal. Déjà, c'est dur de se réécouter, même quand tu as cartonné. Des fois, c'est dur de se réécouter, mais quand en plus tu as bidé, alors là, c'est… Ah, c'est faut avoir une grande, c'est une grande leçon d'humilité, mais c'est comme tu le dis, tu as raison, et je suis d'accord avec toi, c'est dans le process de création, c'est livré avec. Hein, donc, mais oui, c'est et inévitable. Bah oui, et la meilleure revanche, c'est d'être parti d'un bide total. La fois d'après. Et la fois, voilà, et genre la fois d'après, peut-être qu'il en faudra un peu plus qu'une, tu vois. Au bout d'un moment, tu réussis à faire passer ce que tu avais envie de faire passer au départ et tu retournes les salles avec ce qui avait bidé à la base. Ça, ouais, c'est le meilleur sentiment sur scène, quoi. La meilleure sensation. La meilleure thérapie. C'est ça, exactement. Eh bien, écoute, on continuera à suivre nos thérapies et on invite les gens à venir nous voir sur scène. Merci beaucoup, Yacine, pour cette belle anecdote. Bah, merci à toi, avec plaisir. Et tu allais me poser une question de savoir où est-ce qu'on peut se retrouver, c'est ça ? C'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, mon nom, prénom, Yacine Bentayev, Instagram, Facebook, Twitter, qu'est-ce YouTube. Que j'ai ? MSN aussi, si vraiment. Je... ouais, AOL. c'est ça, Caramel. MySpace, un Skyblog aussi. Exactement, bien sûr. Ah oui, ça fait partie du truc, ouais, bien sûr. Ah bah, la base. Tu as une chaîne YouTube aussi ? Non, pas de chaîne YouTube pour le moment. Je suis vraiment beaucoup plus orienté sur la scène et le spectacle, plus que les vidéos sur lesquelles je n'ai pas encore trouvé ou je ne m'y suis pas clairement intéressé aujourd'hui. Donc, je ne t'ai pas penché. Je n'ai pas noué plus sur scène, ouais, vraiment. Il n'y a pas de problème. Écoute, de toute façon, quand tu as des vidéos, j'imagine que tu les mets sur Insta directement et sur Facebook. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Eh bien, pas de problème. Écoute, on te suivra là-dessus. Je mettrai tous les liens dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.